Yo, la nuit tombe, il est temps que je me réveille. Ça doit faire à peu près 12 heures que je sommeille. Et on sait samedi soir, jour là, il est sacré. T'en as ton sort, puis on s'amuse ou on saccage. Chaque semaine est le début de nouvelles sagas. On met nos plus beaux vêtements, puis on se magane. Portefeuille plein pour américain dans les pas. Et yo, ce soir, on fait la tournée des bars. On s'éclate, on fait la tournée au biatch. Non, j'ai rien à vendre, je sais que t'as caché ton badge. Et yo, cette nuit, je dors dans mon lit, pas en cage. Avec des femmes, une, deux, trois ou quatre. Non, c'est pas vrai, j'ai ma douce qui m'attend. Mais c'est samedi soir, c'est que je vais rentrer tard. Sans rien à foutre, j'colle au BP l'extase. Et yo, ce soir, ça va être une soirée d'enfer. Ouais, yes, ça va, man? Ben, comme d'hab, le gros. Yeah, passe pogner ton bro du sud, venez mon jeune au club, à soir, ça va être terrible. Ouais, c'est cool, peace, man, à tantôt. Je reçois un call, j'ai fumé le bas, j'suis fucked up. Yo et le X, faut rejoindre Dan, il est au club. Les femmes sont au club, m'occupe des préparatifs. C'est comme un film, c'est narratif, y'a un X, c'est maladif. C'est à soir que ça se passe, rien à foutre des gens snob. On va là pour les petites, ça va vomir d'embol. Ça sent la merde environ 4-5 fois par heure. Ça prend l'allure de scène de sexe ou de film d'horreur. Malgré tout, moi pis mes boys, on reste vrais. Les gens savent, au regard, on dégage le respect, hein. Saturday night in the club, let the ball. Get a bitch, get a rum, get a high. Jamais trop trop sexy, bouge ton sexy body. Tu sais comment ça se passe quand on fuck le party. Saturday night in the club, let the ball. Get a bitch, get a rum, get a high. Jamais trop trop sexy, bouge ton sexy body. Tu sais comment ça se passe quand on fuck le party. On débarque dans la place, mais c'est plus comme dans la classe. File-moi un jack, oublie pas de mettre de la glace. Désolé bitch, après trois drinks j'ai plus de classe. Sauf un move parce que là j'ai plus de place. Deux trois Simon décide de jouer les cowboys. Il me regarde puis il me dit t'as un problème? J'y réponds, moi non mais toi oui. C'est là qu'ils ont vu que j'étais pas seul puis ils ont compris. Saturday night in the club, let the roll. Get a bitch, get a rum, get a high. Jamais trop trop sexy, bouge ton sexy body. C'est comment ça se passe quand on fuck le party. Saturday night in the club, let the roll. Get a bitch, get a rum, get a high. Jamais trop trop sexy, bouge ton sexy body. C'est comment ça se passe quand on fuck le party.